ne crois pas Ne crois pas au plus saint, ne pleure pas, ne crois pas toujours à l'évidence. Ne crois pas, on n'y compte pas, non, ne pleure pas, ne crois pas aux rumeurs, à toutes ces manigances, non, ne pleure pas, non. Que le diable fasse sa révérence, non, ne compte pas, non, ne compte pas, non, ne crois pas que quelqu'un te sauvera, non, personne te sortira de là, non, n'y compte pas, non, ne crois pas que les gens auront pitié de toi, non, n'y compte pas, non, n'y compte pas, non, ne crois pas qu'il y a une gloire à tout ça, non, sûrement pas, non, n'y compte pas, non, ne crois pas au miracle et que l'argent te transcendera, non, n'y crois pas, non, n'y compte pas, non, non, non. Pas. Non, n'y compte pas, non, ne crois pas, non, n'y crois pas, ne compte que sur toi, ne crois que en toi, non, ne compte que sur toi.